Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec le disco et le funk. On débute avec la découverte du jour. J'ai sélectionné un duo espagnol, en l'occurrence le groupe Baccara. La chanson est sortie en 1977 et s'intitule « Yes Sir, I Can Boogie ». C'est devenu un standard du disco et un succès majeur à travers toute l'Europe. Elle deviendra d'ailleurs numéro 1 en Angleterre, mais alors ne va pas marcher du tout aux États-Unis malgré une campagne de diffusion intense. L'intro, eh bien, elle ressemble un peu à un autre titre, « Don't Leave Me This Way », avec les soupirs, bien sûr. Au printemps de cette année-là, hein, le titre est utilisé dans les pubs de H&M et de Sephora. Le duo va se séparer en 1981. Allez, faites-vous plaisir. You stay, you can't go wrong. I can boogie, boogie, boogie, all Alors il est temps de passer à notre rubrique des 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, on va s'attarder sur Weekend de Freaks. Le titre est un des thèmes phares du week disco, car c'est le moment où l'on met de côté tous ses soucis pour danser, comme le suggèrent les films Saturday Night Fever ou Thank God It's Friday. Vous connaissez ce dernier aussi. Le nom du groupe est inspiré du freak, vous savez, celle que Chic a rendue célèbre, la danse bien sûr. 6 personnes composent le groupe, tous musiciens. Weekend sera l'un de leurs plus gros hits. La chanteuse Christy Wiltshire, dans la chanson, explique à son compagnon qu'il en a marre qu'il la laisse seule à la maison et que s'il ne l'emmène pas danser, elle compte trouver quelqu'un d'autre avec qui passer le week-end. Au milieu du morceau, elle prend des libertés en poussant sa voix, en montant de plus en plus haut et en tenant de longues notes. Les chœurs lui donnent de la force en reprenant en boucle derrière elle les phrases « Tonight, it's party time ». It's party time tonight, ou find a friend to spend the weekend. En 1983, une nouvelle version sort. Elle sera plus disco house et elle est enregistrée sous le nom de Class Action, ce qui lui donnera une seconde jeunesse et le titre, il va continuer à faire danser tout le monde dans les clubs, toutes versions confondues. Allez, on déguste. Gotta find someone to spend some time. Et Mr. Funk sur Fadjet. Alors, on va continuer à découvrir la bande originale du film Thanks God It's Friday. On va écouter la chanson la plus connue, j'ai nommé Donna Summers, avec son tube Last Dance. Le titre gagnera un Academy Award et un Golden Globe en tant que chanson originale. Il sera classé 3e du top US. Elle tient d'ailleurs un petit rôle dans le film, celui d'une chanteuse qui essaye de percer. Ça commence sur une version instrumentale où elle refuse de chanter devant le patron de la boîte pour finalement chanter la version que nous connaissons à la fin du film. Le titre commence par un slow et c'est un précurseur pour finir par un tempo plus relevé. La chanson rentre définitivement dans la légende du disco. On écoute ça tout de suite. Let's dance tonight. Alors pour le maxi du jour, on va se reprendre une petite dose de Change. Je vous ai sélectionné Even of My Life, extrait de l'album Miracles. L'album, il va sortir en 1981. Le titre, bah bien sûr, il sera numéro 1 aux USA pendant 5 semaines. Luther Vandross, eh ben, il va faire partie des chœurs. Je ne sais pas si on va pouvoir identifier sa voix, mais en tout cas, je vais vous laisser découvrir ça tout de suite. We'll be right back. C'est enfin l'heure de la pépite. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté The Ritchie Family. Bah, on va y remédier tout de suite. J'ai choisi Give Me a Break. Sorti sur l'album éponyme en 1981, le titre sera le dernier tube véritablement disco du groupe. Elle fera aussi partie de la bande originale du film relatant l'histoire des Village People, You Can Stop the Music. Ça fleure bon la fin des années 70. Allez, c'est parti! Voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Et à samedi prochain. Bye bye.